Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et c'est François Grégoire qui vous parle. Alors Valérie, tu vas nous faire une revue de l'actualité express. Oui, exactement. Donc je vais essayer de faire un petit tour des universités québécoises en commençant par l'Université Laval. Et donc avec une recherche du professeur Mahmoud Rouabia de la faculté de médecine dentaire, il s'est intéressé aux effets de la cigarette électronique sur les cellules de la bouche. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a simulé des séances de vapotage en mettant dans une petite enceinte en conditions contrôlées des cellules de l'intérieur de la bouche et en injectant dans cette enceinte de la fumée de cigarette électronique 15 minutes par jour. Et puis il observait au microscope les cellules après 1, 2 et 3 jours. Et ce qu'il a observé, c'est que c'est une augmentation du nombre de cellules mortes. Donc dans les échantillons témoins, donc qui ne recevaient pas la fumée de cigarette, il y a 2% de cellules mourantes. Bon, ça doit être la vie normale des cellules, le pourcentage normal de cellules qui meurent dans une population de cellules. Alors que dans les échantillons qui recevaient la fumée de cigarette, il y avait 18% de cellules mourantes après un jour seulement. Et ça montait à 40 et 53% les deuxièmes et troisièmes jours. Ce qui est quand même considérable. Oui. Donc, une augmentation importante. Et est-ce que le professeur Rouabia propose une hypothèse pour expliquer la mort des cellules? Ben, ce qu'il dit, c'est que la vapeur de cigarette, elle ne contient pas de composés goudronnés comme les cigarettes classiques, mais elle contient quand même ces cigarettes électroniques contiennent de la glycérine végétale, du propylène glycol, des arômes et de la nicotine. Et lorsque ces composés sont chauffés, ça envoie un cocktail de composés dans la fumée. Qui sont éventuellement nocives. Donc, comme les cellules qui tapissent donc sont nocives, et c'est peut-être ça donc qui cause la mort des cellules de la bouche. Et comme les cellules qui tapissent l'intérieur de la bouche jouent un rôle quand même assez important pour barrer la route aux micro-organismes, le chercheur se questionne sur la destruction de ces cellules qui pourraient augmenter finalement les risques d'infection. Oui, tout à fait. Et alors, c'est une étude qui vient de paraître dans la revue Journal of Cellular Physiology. Et on poursuit avec une nouvelle de l'Université McGill. Oui, et on reste dans le domaine de la santé, mais curieusement en passant par le département de génie civil. Donc là, c'est une étude de Marianne Atsopoulou, qui est professeure dans ce département, et elle s'est intéressée à la qualité de l'air respiré par les cyclistes. Donc sur une piste cyclable, mettons deux exemples vraiment différents. Une piste cyclable qui a l'écart de la circulation, comme la piste cyclable sur la promenade Samuel de Champlain. Bon, c'est aéré par le vent sur le fleuve, l'air est relativement propre. Mais par contre, imaginons des cyclistes qui circulent sur une artère urbaine comme le boulevard Charest, avec des véhicules, des autobus qui avancent au ralenti, et puis deux grands pans d'immeubles qui n'est pas très propice à la circulation de l'air. On comprend que l'air est difficilement renouvelé et pollué dans cet environnement-là. Donc les cyclistes sont exposés dans un cas à un air relativement propre et dans l'autre à un air pollué. Alors, pour connaître la pollution à laquelle sont exposés les cyclistes, la chercheure a tout simplement fait rouler des cyclistes équipés de capteurs et d'un GPS. Bon, ça se passe à Montréal, ça se passe pas à Québec. Et elle a ainsi obtenu des cartes de pollution de l'air en lien avec le trafic qui pourrait éventuellement servir à des propositions d'aménagement de l'environnement urbain pour meilleure oxygénation des cyclistes. Et c'est pas tout, en fait, parce que son équipe a aussi produit une application qui s'appelle Bicycle Air. Dans cette application, on entre le trajet qu'on veut parcourir du point A au point B, et l'application nous donne trois parcours possibles. Donc le plus court, comme bien souvent avec Google Maps, mais aussi le plus calme, c'est-à-dire celui où il y aura le moins de véhicules, où le cycliste rencontrera le moins de véhicules, et aussi le moins pollué. Donc c'est fort intéressant. C'est pour Montréal, mais sait-on jamais, peut-être qu'un jour on aura une application similaire pour Québec. Et on termine par un petit tour à Rimouski. Oui, donc direction Rimouski, où une équipe de chercheurs de l'Institut des sciences de la mer de Rimouski, de l'Institut Maurice Lamontagne et du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent a écouté le fjord du Saguenay et des belugas cet été, cet automne. Donc, ce qui se passe, c'est que dans le fjord, les sondes ne se propagent pas de la même façon que dans le fleuve. À cause des parois rocheuses, on visualise un petit peu quand même les parois, le Cap Éternité, ces parois rocheuses qui plongent dans le lac et qui se, se poursuivent sous l'eau. Donc ça crée en fait les ondes sonores se réfléchissent sur ces roches et ça crée des échos. Et en même temps, le fjord n'est pas rectiligne non plus. Il y a une succession dense et à cause de la courbure, finalement, il y a certains sons qui se transmettent ou non à l'anse suivante. Et puis, il faut aussi imaginer qu'il y a des dépôts sédimentaires qui n'absorberont pas le son de la même façon que le rocher. Donc tout ça crée un environnement sonore assez particulier. Et pour caractériser cet environnement, bien toutes ces équipe de chercheurs a fait deux campagnes de mesure cet été avec donc de l'appareillage à différentes profondeurs dans le son dans le fjord, mais maintenant évidemment, et donc ils écoutaient aussi bien donc les bruits causés par la circulation des bateaux que les sons produits par les bélugas. Donc toutes ces mesures sont faites, mais maintenant il reste à les analyser. Effectivement. Alors, merci Valérie, et à défaut de vous faire entendre des bélugas du Saguenay, on vous propose une pause musicale sur CKRL au 89.1, et au retour, on vous parle de la stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation.